إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Donc on poursuit inshallah ta'ala wa bi'aunillah azza wa jal l'explication et la lecture de ce livre ou cette risala qui s'intitule Ta'ammulat fi qawlihi ta'ala wa azwaj ummahatuhum. Le Cheikh Abdel Razzaq ibn Abdel Muhsin al-Badr hafidhahullah ta'ala. Donc on avait vu dans les cours précédents qui étaient les mères des croyants, ce que ces termes voulaient dire et cette appellation. On a vu également les droits des mères des croyants, etc. Tout ce qui a précédé. Et ensuite le shir, pour compléter cette risala, il nous a donné une biographie résumée pour ce qui est des femmes du prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc les mères des croyants. On a vu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, bien entendu c'est en ordre chronologique par rapport au mariage du prophète sallallahu alayhi wa sallam avec ses femmes. On a vu que la première avec laquelle il s'est marié le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'était Khadija bint Khuwaylid. Ensuite Saoudatou bint Zum'a. Ensuite Aisha bint Siddiq. Ensuite Hafsa bint Omar. Ensuite Zainab al-Hilaliya. Et ensuite Umm Salama bint Abi Umayya ibn al-Mughira. Ça c'est les six femmes du prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'on a vues, six mères des croyants. Après Umm Salama Hind, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il s'est marié avec sa septième épouse et qui fut Zainab bint Jahsh min Bani Asad ibn Khuzaima. Zainab bint Jahsh min Bani Asad ibn Khuzaima. Et cette femme, c'est en réalité la fille de la tante paternelle du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ibnatu ammatihi allatiya Umayma bint Abd al-Muttalib. Donc il s'est marié le prophète sallallahu alayhi wa sallam avec la fille de sa tante paternelle, ibnatu ammatihi. Certains historiens ont dit qu'il s'est marié en l'an 3 et d'autres ont dit qu'il s'est marié en l'an 5. Ce qui est sûr, c'est qu'il s'est marié donc après son mariage avec Umm Salama et qu'elle est venue donc dans l'ordre biographique comme septième épouse. Pour ce qui est de Zainab bint Jahsh, on sait qu'elle était l'épouse, avant qu'elle se marie avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, de Zayd ibn Haritha. Zayd ibn Haritha, qui était lui, qui a été adopté par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui était adopté par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et on sait que dans Al-Jahiliya, donc dans la période pré-islamique, dans la période de Al-Jahiliya, la période de l'ignorance avant l'avènement de l'islam, les gens, que ce soit Quraysh, que ce soit les Arabes de façon générale dans la péninsule, ils avaient la croyance, ils avaient même pris cela comme institution, que celui qui avait adopté un enfant, ce qu'on appelle Tabanni, on appelle cela Tabanni en arabe, celui qui avait adopté un enfant, alors cet enfant-là, il était considéré comme son propre enfant. C'est-à-dire que allait s'appliquer sur lui les lois qui vont s'appliquer à un fils, à un enfant naturel. C'est-à-dire qu'il allait être héritier, qu'on allait l'appeler par le nom donc de son père, c'est-à-dire dans le cas de Zayd, on l'appelait Zayd ibn Muhammad. Zayd ibn Muhammad. Et c'est pour ça que le verset du Coran, puis surat al-Ahzab, qui est le verset 5 qui est descendu, où Allah Azza wa Jalla dit: « Ud'uhum li'aba'ihim wa aqsatu 'inda Allah » Donc Allah subhanahu wa ta'ala, de par ce verset, il a interdit qu'on appelle Zayd ou qu'on appelle tout enfant adoptif par le nom de celui qui l'a adopté, mais par le nom de son véritable père. Appelez-les du nom de leur père, c'est plus équitable devant Allah azawajal. Et également, une règle ici donc, par rapport à ceux qui croyaient qu'ils devenaient comme leur fils, c'est qu'il n'était pas possible de se marier avec celle qu'il avait épousée. Car on sait bien entendu qu'il est interdit que l'homme se marie avec la femme que son père a épousée. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il va abolir cela de par son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et donc il va mettre en évidence la législation islamique qui est claire sur ce point, c'est que l'enfant qui est adopté n'est pas considéré comme l'enfant naturel par rapport aux lois, et donc il n'a pas le droit d'hériter, et que si il venait à divorcer la femme avec laquelle il avait pris pour épouse, alors celui qui l'a adopté, il a le droit à son tour de se marier avec elle. Et c'est ce qui s'est passé avec le prophète Zayd. C'est-à-dire que Zayd ibn Haritha, lorsqu'il a divorcé Zaynab bint Jahsh, qui était donc son épouse, le prophète sallallahu alayhi wa sallam ensuite s'est marié avec elle. Et donc, par cela, Allah Azza wa Jal a mis en évidence et au clair que chaque homme qui avait adopté un enfant, que cet enfant-là qui était marié avec une femme, et que après qu'il l'ait divorcé cette femme-là, lui il avait le droit donc de se marier avec elle. On va retrouver cela dans un verset du Coran où Allah Azza wa Jal met en évidence ce hukm, et qui est le verset 35 du surat Al-Ahzab. والله عز وجل يقول سبحانه وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إِذَا قَضَوْ مِنْهُنَّ وَطَرَى وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا. Donc dans ce verset que nous explique l'imam Ibn Sa'di rahimahullah dans son livre Taysir al-Karim al-Rahman, qui est donc une des explications résumées du Coran, il nous explique donc ce qui s'est passé lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est marié avec Zaynab bint Jahsh, qui fut donc la septième épouse du prophète sur Sénam, en ordre chronologique par rapport donc au mariage. Et il nous dit, en commentant la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, wa idh taqul lilladhi an'ama Allahu alayhi ay bil istam, lorsque tu dis à celui dont Allah azza wa jalla lui a fait bienfait. Et quel est ce bienfait? Il nous dit le shir ay bil istam, c'est-à-dire par le bienfait de l'islam. Wa an'amta alayhi, donc tu as octroyé un bienfait également. Et il nous dit le shirk bil itq, c'est-à-dire par l'affranchissement. حين جاءك مشاورا في فراقها فقلت له ناصحا ومخبرا بمصلحتي مع وقوعها في قلبك. C'est-à-dire que Zayd est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam alors que lui il voulait divorcer Zaynab. Il voulait divorcer Zaynab. Il est venu donc auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam lui demander conseil. يطلب النصيحة. Et donc il le consulte pour ce qui est de cette future séparation. Et qu'est-ce qu'il lui a répondu le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Il lui a dit de rester avec elle. Amsik alayka zawjak. Amsik alayka zawjak. C'est-à-dire la tufariqha. C'est-à-dire ne te sépare pas d'elle. Wasbir ala ma ja'aka minha. Et donc patiente par rapport à ce qui vient d'elle, les choses que toi tu n'apprécies pas. Ça, c'était la réponse du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Wattaqillah fi umurika amma wa fi amri zawjika khassa. Également, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc, le dit de craindre Allah azza wa jal pour ce qui est des choses qui sont générales et également des choses qui sont particulières, c'est-à-dire en ce qui concerne son épouse. Fa inna taqwa tahuthu ala sabr. C'est-à-dire que la piété, et ça, c'est une vérité, que la piété elle commande ou elle encourage la patience. Elle encourage la patience. Elle permet de patienter. Ensuite, Allah Azza wa Jalla yaqul wa tukhfi fi nafsika ma Allah mubdi. Tu caches donc ce qu'Allah Azza wa Jalla, il va mettre au grand jour, ce qu'il va informer. Donc, de par la révélation, de par cette révélation, Allah Azza wa Jalla, il va informer donc, et tout le monde sera parmi les croyants, ce que toi tu caches en toi-même. والذي أخفاه أنه لو طلقها زيد لتزوجها صلى الله عليه وسلم. Ce qui donc le prophète s'en cache en lui-même, c'est que si il aurait divorcé Zainab, alors le prophète صلى الله عليه وسلم aurait aimé se marier avec elle. Ça c'était ce que le prophète صلى الله عليه وسلم cachait en lui-même. وتخفي في نفسك ما الله مبدي وتخشى الناس وتخشى الناس, c'est-à-dire que tu crains les gens par rapport au fait qu'ils sachent cette chose-là. Fi adam ibda'i ma fi nafsik. Wallahu ahaqqu an takhshahu. Wallahu ahaqqu an takhshahu. Allah Azza wa Jalla est le plus en droit de le craindre. Wa an la tubalihim shay'an. C'est-à-dire, ne fais pas attention par rapport à eux, quoi que ce soit. Falamma qada zaydun minha watara. Tabat nafsu wa raghaba wa raghiba anha wa faraqaha. C'est-à-dire que lorsque Zayd, comme dans ce verset du Coran, فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرَى, lorsque donc, de son propre gré, le verset 37, ça c'est qu'une partie du verset, فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرَى, lorsque Zayd, et ça c'est un fable, qu'Allah Azza wa Jal il a donné à Zayd, du fait qu'il l'a nommé de par son nom, et que c'était donc le seul sahabi, le seul compagnon, qui était nommé par son nom dans le Coran. فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرَى. Donc, lorsque Zayd, il a voulu la divorcer de son plein gré, et que réellement il n'a plus voulu d'elle, et qu'il l'a délaissée, زَوَجْنَاكَهَا, c'est-à-dire que nous t'avons marié cette femme-là, directement. Allah Azza wa Jalla, c'est lui qui a marié Zainab au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, directement. Et c'est pour ça que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lorsque ce verset est descendu, il est rentré. Dakhala ala Zainab bila isti'zan, c'est-à-dire qu'il est rentré auprès de Zainab sans autorisation, sans demander auparavant. Et Zainab, comme elle le rappelait, elle disait que, comme a fait Sahih al-Bukhari, pour montrer donc ce fable qu'elle a eu par rapport aux autres mères des croyants, elle disait, vous, c'est-à-dire les autres mères des croyants, les autres femmes, les autres épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ceux qui vous ont marié, ce sont vos pères. Alors que moi, وَزَوَّجَنِ اللَّهُ مِنْ فَوْقِ سَبْعَ سَمَوَاتِ, alors que moi c'est Allah Azza wa Jalla qui m'a marié du haut de ses sept cieux. Et ça c'était donc une particularité pour Zainab, et également une particularité donc pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dont Allah Azza wa Jalla ici lui a fait part lorsqu'il l'a marié directement. Et ici bien entendu, comme il nous dit le shir, وَإِنَّمَا فَعَلْنَا ذَلِكَ لِفَائِدَةٍ عَظِيمَةٍ, il nous dit bien entendu ici qu'Allah Azza wa Jalla a fait cela pour un très grand bien pour cette communauté, et qui va être cité dans le verset suivant, لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ, c'est-à-dire donc qu'il n'y ait plus d'empêchement de haraj, qu'il n'y ait donc plus d'empêchement pour les croyants d'épouser les femmes de leur fils adoptif, donc il n'y a aucun mal à cela. Bien entendu, après la suite du verset, إِذَا قَضَوْ مِنْهُنَّ وَطَرَى وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا, هَذَا هُنَا قَيْدٌ, c'est-à-dire ici que Allah Azza wa Jalla il a bien mis une condition, c'est-à-dire cette condition, on peut se marier avec elle, mais une fois que le fils adoptif il a délaissé réellement sa femme, c'est-à-dire que de par son plein gré il l'a divorcée, il ne veut plus d'elle, à ce moment-là il est permis de les demander en mariage, de se marier avec elle. Et donc on comprend bien qu'il n'est pas permis de faire pression, par exemple sur le fils adoptif, pour qu'il divorce sa femme, pour qu'ensuite on se marie avec elle. Ici c'est bien un qaïd, c'est bien une condition qu'Allah Azza wa Jal il a cité. إِذَا قَضَوْ مِنْهُنَّ وَطَرَى. Et c'est ce qui s'est passé également avec Zayd. Le prophète sallam ne s'est marié avec Zainab qu'au moment où Zayd, de son plein gré de lui-même, et qu'il n'était donc plus en accord avec sa femme pour continuer avec elle dans sa vie conjugale, qu'il l'a délaissée. C'est après, à ce moment-là, donc, après cela, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est marié donc avec Zainab. Donc ça, c'est pour ce qui est de l'explication du verset, c'est ce qu'on en tire par rapport donc à de ce qui est de la particularité de Zainab bint Jahsh, qui fut donc la septième épouse du prophète sallallahu alayhi wa sallam. On sait également que Zainab, elle a reçu les éloges de Aïcha, notamment pour ce qui était de Qissat al-Ifk, de ce grand mensonge qui s'est propagé contre Aïcha, radiallahu ta'ala anha. Elle a rappelé qu'elle fut preuve de piété, de wara, par rapport à ce qui s'était passé, les choses qui ont été dites, et qu'elle n'a jamais parlé à ce sujet-là. Et comme on l'a dit, elle se vantait de deux choses particulièrement, Zainab. La première, c'était que c'était la fille de la tante du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et donc, elle s'est mariée avec lui. Et la deuxième chose, c'est qu'Allah Azzawajal qui l'a mariée directement au prophète. Umm Salama, de même, elle rappelle, pour ce qui était de Zainab, c'est une femme qui faisait beaucoup du jeûne, Sawwama. Et également, qu'elle faisait et qu'elle préparait de ses propres mains, non seulement de la nourriture, mais également qu'elle faisait de la couture, qu'elle prépare également des pièces à partir de peaux de cuivre, etc., pour les donner en sadaqa aux pauvres. Une des particularités de Zainab. Et c'est pour ça, comme a fait Sahih Muslim, Aïcha radiallahu ta'ala anha nous rapporte du prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il dit: Asra'ukunna lihaqan bi atwalukunna yadan. C'est-à-dire, celle qui va se rejoindre à moi le plus vite possible. Ou celle qui va se rejoindre à moi le plus vite. Qu'est-ce qu'on va comprendre par rapport à ça? C'est-à-dire que celle qui va mourir juste après que le prophète sallallahu alayhi wa sallam décéda. Asra'ukunna lihaqan bi atwalukunna yadan. Et ce terme atwalukunna yadan, ça veut dire donc, c'est une expression pour dire que c'est une femme qui a la main qui est longue. Et donc ici kinaya, pour dire que c'est une femme qui est généreuse, une femme qui donne du bien, une femme très généreuse qui donne donc aux pauvres. Qalat. Et donc Aïcha, elle disait fakanat atwaluna yadan Zainab. C'est-à-dire celle qui était la plus généreuse d'entre nous, c'était Zainab. Et qui faisait le plus de sadaqa, c'était Zainab. C'est-à-dire qu'elle travaillait de ses propres mains, et le produit de son travail, elle le donnait aux pauvres, aux nécessiteux. Elle est morte, radiallahu ta'ala anha, à Médine, en l'an 20 de l'Hégire. Et donc elle est morte tout de suite après, ou après que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est mort. Et donc c'était celle qui l'a rejoint le plus vite. Elle fut enterrée bil baqi'a radiyallahu ta'ala anha. Ensuite, après Zainab, la femme avec laquelle il s'est marié le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce fut Juwayriya bintul Harith ibn Abi Dirar Al-Mustaliqiyya. Juwayriya, qui en réalité son nom au départ était Barra, qui était Barra, comme a fait Sahih Muslim. Fasamma an-Nabi sallallahu alayhi wa sallam Juwayriya. Donc le prophète sallam, c'est lui qui a changé son nom, et qui est donc, elle fut nommée ensuite par ce nom-là, par ce prénom-là, Juwayriya. Juwayriya, elle était la fille du Sayyid al-Qawm, c'est-à-dire donc du maître, Naam, de son peuple, de sa tribu. Et on sait que en l'an 5, et certains historiens ont dit en l'an 6, durant Al-Ghazwa, donc la conquête de Al-Muraysir, et une conquête donc qui était également nommée par Firazwati ibn al-Mustaliq, qui était donc une tribu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a combattue. Cette femme-là, elle fut prisonnière. Elle devint donc captive. Alors qu'elle était mariée auparavant à Musafir ibn Safwan, qui fut tué lui durant cette bataille. Et donc, comme captive, et comme donc butin de guerre, elle fut donnée à Thabit ibn Qais. Et lorsqu'une femme, ou lorsqu'un homme, il devient donc esclave, ici donc, Riq, et qui est bien entendu Mashrou' fi dinillah bi tariq al-mashru'a, c'est-à-dire qui est permis dans la religion par rapport à la législation, et bien entendu qui vient lors d'une guerre, c'est-à-dire qui advient lors d'une guerre, et que lorsque ceux qui sont faits prisonniers, et parmi les femmes, donc celles qui deviennent captives, et donc qui rentrent dans le butin de guerre. Et donc cette femme, Juwayriya, elle a été donnée à Thabit ibn Qais. Et on sait que les esclaves, ils ont droit de se racheter par un moyen qui leur a été permis dans la religion, et ce qu'on appelle al-mukataba. Al-mukataba. C'est-à-dire que l'esclave, il conclut un accord et un acte avec son maître sur une somme précise. Sur une somme précise. C'est-à-dire que cette somme-là, il va la donner à son maître pour racheter en fait sa liberté. Et en principe, al-mukataba, ça se fait donc par échéance. C'est-à-dire que la personne, elle va donner à son maître à chaque fois une somme d'argent, jusqu'à donc qu'elle puisse terminer cette somme d'argent avec laquelle ou sur laquelle il y a l'accord. Et donc c'est ce qu'elle a fait, Juwayriya, avec Thabit. Et elle est venue voir ensuite le prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle lui a demandé donc de l'aider à compléter ce qu'on appelle donc al-mukataba, ce que fit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il accepta. Et il donna donc comme mahr, c'est-à-dire comme sadaq, il donna donc comme dot le reste du montant à payer pour qu'elle puisse devenir libre et qu'ensuite il se marie avec elle. Sallallahu alayhi wa sallam wa radiyallahu ta'ala anha. Et donc elle fut à ce moment-là considérée comme la mère des croyants. Juwayriya, elle a vécu, comme certains l'ont dit parmi les historiens, 65 ans. Et qu'elle est morte donc en l'an 50. Et d'autres ont lu en l'an 56. Radiallahu ta'ala anha. Ensuite, la neuvième épouse du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce fut celle qui fut nommée par Ummu Habiba et qui est Ramlatu bint Abi Sufyan ibn Sakhr ibn Harb al-Qurashiyya al-Umawiyya. Ummu Habiba, qui fut donc la neuvième épouse du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et qui est bien entendu la sœur de Muawiya ibn Abi Sufyan. Elle s'est mariée avant la révélation, alors qu'elle avait 17 ans, comme l'ont rappelé certains des historiens. Pour ce qui est de Ummu Habiba, il faut savoir qu'elle était mariée dans un premier temps à Ubaydullah ibn Jahsh al-Asadi, et qui lui se convertit à l'islam dans les débuts, l'avènement de l'islam, au début donc. Et il fut parmi ceux qui s'exilèrent à Al-Habasha. Il fut parmi les premiers croyants qui s'exilèrent donc à Al-Habasha, avec sa femme, Habiba Ramla. Et Habiba, comme l'ont rappelé également beaucoup d'historiens, elle est née, au Habasha. Certains ont dit à Mecque et d'autres ont dit Al-Habasha. Et c'est pour ça donc qu'elle est devenue Ummu Habiba et qu'elle a été connue sous sa kunya. Et comme nous le rappellent les historiens, Ummu Habiba, elle a, elle, une histoire également qui est un peu particulière. Et comment elle s'est mariée avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Lorsqu'elle est partie là, Al-Habasha avec son homme, et qu'elle fut donc parmi les premières croyantes, elle aussi, à s'être convertie et à avoir obéi à l'ordre du prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il leur ordonna de s'exiler Al-Habasha pour pouvoir fuir donc les préjudices de Quraysh et pouvoir protéger leur propre personne et pouvoir protéger leur propre religion. Ils sont donc partis là-bas, ils sont restés une période, comme tout le monde le sait, tous ceux qui ont étudié la Sira. Et parmi ce qu'ont rappelé les historiens, c'est qu'Ummu Habiba, elle fit un jour un rêve. Ra'aytu fil manam ka'anna zawji Ubaydullah ibn Jahsh bi aswa sura. C'est-à-dire qu'elle a fait un rêve et qu'elle a vu son homme, Ubaydullah ibn Jahsh, dans un état qui était des pires, dans le pire des états, dans une des apparences qui est les plus ignobles. فَفَزِعْتُ فَأَصْبَحْتُ فَإِذَا بِهِ قَدْ تَنَصَّرَ. Et lorsqu'elle s'est donc réveillée, effrayée, et que le matin est arrivé, elle était voir son homme. Et lorsqu'elle est le voir, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que son homme, Ubaydullah ibn Jarsh, alors qu'il était musulman, il a délaissé l'islam et il s'est converti au christianisme. Il est devenu chrétien. Tanassara. Et c'est pour ça que beaucoup de savants, comme on l'a vu auparavant, lorsqu'ils parlent de ce qu'est un sahabi, parmi les conditions qu'ils donnent, c'est un umat ala l'islam, c'est-à-dire qu'il meurt sur l'islam. Et ils donnent, contraire à cela, l'exemple de, souvent de Ubaydullah ibn Jarsh, donc parmi ceux qui ont délaissé l'islam, ayadam billah. Et dans son cas, Tanassara, qui sont entrés dans la religion du christianisme. Et donc il n'est pas considéré comme un compagnon. Même si il s'est converti à un moment, même s'il a cru en Allah et son prophète, même s'il a vu le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il ne fait pas partie des compagnons, parce qu'il est mort kafir, ayadan billah. فَأَخْبَرْتُ بِالْمَنَامِ فَلَمْ يَحْفَلْ بِهِ. C'est-à-dire qu'elle l'a lui informé de ce qu'elle a vu durant ce rêve, et lui, il ne l'a pas pris en considération. وَأَكَبَّ عَلَى الْخَمْرِ حَتَّى مَاتَ. Et regardez donc comment Allah Azza wa Jal, il a destiné sa mort. De quelle manière il a destiné sa mort, Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire que cette personne, après qu'elle ait connu l'islam et qu'elle a délaissé l'islam, et qu'elle est rentrée dans la religion des chrétiens, c'est devenu une personne alcoolique. Il est mort à cause de l'alcool, de l'alcoolisme. Ayadun billah. Ensuite, tourbir Ummu Habiba, fa'atani atin fi naumi, faqal ya Ummu al-Mu'minin, fa'fazi'tu fama huwa illa an inqabbat 'iddati. C'est-à-dire qu'elle a fait également ensuite un autre rêve, Ummu Habiba, et qu'elle a vu une personne qui est venue la voir durant le rêve, et elle fut effrayée. Mais en réalité, ce rêve, c'était tout simplement l'indication qu'elle avait terminé donc sa période. فَمَا شَعَرْتُ إِلَّا بِرَسُولِ النَّجَاشِ يَسْتَأَذِنْ أو يَسْتَأَذِنْ. C'est-à-dire que النَّجَاشِ, le roi النَّجَاشِ, qui comme tout le monde le sait fut converti à l'islam, et donc lorsqu'il est mort, le prophète sallallahu alayhi wa sallam pria sur lui Salat al-Ghaib. Ce roi donc, il sut ce qui s'était passé, il envoya quelqu'un pour aller voir Ummu Habiba. فَإِذَا هِيَ جَارِيَةٌ لَهُ يُقَالُ لَهَا أَبْرَهَا. C'est-à-dire que c'était une femme, une servante du roi qui s'appelait Abraha. فَقَالَتْ إِنَّ الْمَلِكَ يَقُولُ لَكِ وَكِّلِي مَنْ يُزَوِّجُكَ. C'est-à-dire, choisis une personne qui va te marier, qui va devenir donc comme ton tuteur, et qui va te marier, qui va prendre responsabilité donc de te marier. فَأَرْسَلَتْ إِلَى خَالِدِ بْنِ سَعِيدِ بْنِ الْعَاصِ بْنِ أُمَيَّةَ فَوَكَّلَتْهُ. C'est-à-dire qu'elle a donc pris comme tuteur Khalid ibn Sa'id ibn al-As, qui fut responsable de son mariage. فَأَعْطَيْتُ أَبْرَهَا سُوَارَيْن مِنْ فِضَّةٍ. Et donc, de par cette bonne nouvelle qui lui vint, et vu qu'elle était heureuse de cela, elle avait deux bracelets d'argent, elle donna ses deux bracelets à Abraha. فلما كان العشي امر النجاشي جعفر بن ابي الطالب فحمد الله واثنى عليه وتشهد. Et lorsque la nuit vint, النجاشي donna l'ordre à Ja'far ibn Abi Talib donc d'expliquer et de savoir pourquoi il était venu. Et donc Ja'far ibn Abi Talib, il dit la louange d'Allah. Et ensuite, قال أما بعد فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إلي أن أزوجه أم حبيبة فأجبته وقد أصدقتها عنه 400 دينار ثم سكب الدنانير فخطب خالد فقال قد أجبت إلى ما دعا إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وزوجت أم حبيبة وقبض الدنانير وعمل لهم النجاشي طعاما فأكل. Et donc, qu'est-ce qu'il dit Ja'far ibn Abi Talib? Il informa que le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'avait envoyé pour que il marie Ummu Habiba au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et donc celui qui était à ce moment-là donc responsable et qui était Khalid, Khalid donc accepta et répondit à ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam demanda, c'est-à-dire donc qu'on le marie avec Ummu Habiba. Et on lui donna 400 dinars pour ce qui était de la dot. Et lorsqu'on lui donna donc cette dot, elle voulut donner 50 dinars, elle voulut donner donc 50 dinars à Abra, donc une partie de sa dot. Karaman minha, radiallahu ta'ala anha. Lakin rafadat Abraha, c'est-à-dire qu'elle refusa. Innal malik azam alayya bidhalik. C'est-à-dire que le roi lui avait interdit de prendre quoi que ce soit d'elle. Et elle rendit donc ce qu'elle lui avait déjà donné, qui étaient donc les deux bracelets. Et donc ensuite, elle revint le lendemain à bras avec l'oud ou l'ours, c'est-à-dire les parfums, des fleurs, etc. Et ensuite, donc, elle se marie avec le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Donc ça, c'était l'histoire de Ummu Habiba. Et comment elle fut mariée avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et comment après cette ibtila, ce grand ibtila, lorsque son mari il est devenu chrétien et qu'il est mort alcoolique, ayadan billah, comment Allah azza wa jalla il a remplacé cette ibtila par une grande ni'ma, la plus grande des ni'ma, lorsqu'elle est venue donc Umm al-Mu'minin de par son mariage. Et elle décéda Ummu Habiba en l'an 44 de l'Hégire, comme l'ont rappelé beaucoup d'historiens. Elle décéda à Médine, radiallahu ta'ala anha. Ensuite, la dixième femme du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce fut Safiya bint Huyay ibn Akhtab Sayyid Bani Nadir min walad Harun ibn Imran akhu Musa alayhim assalam. Donc ce fut Safiya bint Huyay ibn Akhtab Sayyid Bani Nadir. Donc Safiya, qui était la fille de Huyay ibn Akhtab, et qui lui était donc le maître de la tribu de An-Nadir, la tribu juive de An-Nadir. Et on sait que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, après qu'ils aient rompu donc leur pacte avec les musulmans, on sait que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, partit pour les vaincre. Et Safiya, elle a une grande particularité. Pourquoi cela? Parce que son père, et donc elle-même, elle fait partie de la descendance de Harun ibn Imran. Et lorsqu'on dit donc binta, bint, yani bintu nabi, c'est-à-dire qu'on a le droit de dire la fille. En arabe, on dit la fille, mais ça ne veut pas dire la fille directement. Ça peut dire dans la descendance, c'est-à-dire la petite fille. Mais dans la langue arabe, yutlaq, bint. On dit directement bint, c'est-à-dire la fille. Donc de qui? De Harun ibn Imran. Elle remonte donc à Harun. Sa filiation remonte à Harun ibn Imran, l'envoyé, qui n'est autre, bien entendu, que le frère de Moussa, de Moïse, alayhim assalam. Et donc sa particularité, c'est qu'elle est la fille d'un prophète. Donc la fille, comme on l'a expliqué. Et que son oncle paternel est un prophète. Son oncle paternel également, on dit l'âme, c'est-à-dire même si c'est loin dans la filiation. Et son mari fut donc un prophète, lorsqu'elle se maria avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Cette femme-là, comme nous le rappellent également les historiens, c'était l'une des plus belles femmes du monde. Une des plus belles femmes que la terre a pu porter en son sein. Avant qu'elle se marie avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle était mariée à Salam ibn Mishkam. Et ensuite, à Kinanatu ibn Ubay al-Huqayq, qui fut lui donc mort durant la bataille de Khaybar. Durant la bataille de Khaybar. Donc durant cette bataille, là où il est mort. Et donc là où Safiya est devenue captive, elle aussi. Comme cela s'est passé avec Juwayriya. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lui-même l'a franchi. Et lui donna en dot donc le coût de l'affranchissement. Fakana sadaqouha etroa. Donc la sadaq, comme on l'avait vu cela dans la série L'ornement précieux des époux vertueux, la sadaq qu'il a donné, c'est-à-dire donc la dot qu'il a donné le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'était donc l'etre, c'était le fait qu'il l'a affranchi. Pour ce qui est de Safiya, elle est morte, comme l'ont rappelé beaucoup d'historiens, en l'an 50 de l'Hégire. Ensuite, la 11e et la dernière femme avec laquelle il s'est marié le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce fut Maymouna bint al-Harith al-Hilaliya. Ce fut donc la 11e femme et la dernière du prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans l'ordre chronologique. Maymouna bint al-Harith al-Hilaliya. Et on sait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il s'est marié avec elle en an 7, durant Umratul Qadiyya. Et on sait qu'il y a eu un grand irtilaf chez les jurisconsultes par rapport à son mariage. Est-ce qu'il s'est marié avec elle alors qu'il était muhrim, ou alors il n'était pas en état de sacralisation? Il y a eu un grand irtilaf chez les savants par rapport au riwayat. Une question qu'on avait déjà étudiée lorsqu'on avait vu Haqiqatu Siyam, le Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, et que le Cheikh rahmatullah alayhi, il avait fait une allusion, ou il avait fait une parenthèse sur cette question là est-ce que le prophète sallam il s'était marié avec elle muhrim ou non, et on avait vu donc qu'il ne s'était pas marié muhrim. Ça c'était al-qawl al-rajih. Et pour ce qui est de Maymouna, elle est morte en l'an 63 de l'Hégire, durant le règne de Muawiyah radiallahu ta'ala anhum ajma'in. Ça donc c'est pour les femmes du prophète, les 11 femmes du prophète sallallahu alayhi wa sallam avec lesquelles il s'est marié, et comme on l'a vu donc dans l'ordre chronologique. Donc dès maintenant on sait qui ont été les mères des croyants, et on sait donc quelles ont été les épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et on le sait donc dans l'ordre chronologique. Ensuite il nous restera quelques questions sur ce sujet, et donc par rapport au livre. Et donc, Inch'Allah ta'ala, la prochaine fois sera certainement le dernier cours sur cette série. Subhanakallahumma bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.